la prod. Yo. Impossible de me canaliser, ne cherche plus le pourquoi du comment. Pourquoi je me nique la santé et pourquoi je peux sur commande. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Pendant ce temps, je traverse des saisons. Je me questionne et je trouve les réponses. J'ai pas plus de tort que j'ai de raison. Hein, des fois, je m'isole pour penser, pour pas exploser. J'ai sans raison d'avoir plus d'un speak lors de mes exposés. Si t'attaques, tu te fais péta, donc reste en défense comme Bonucci. Quand tu déranges, t'as sans raison de finir comme Colucci. Bienvenue dans la bergerie, faut pas grand chose pour ramener le troupeau. Perso, y'a que mes recharges de bédo qui font que je me retrouve dans l'hebdo. La vérité, c'est que j'arrive plus à me faire berner. Ça rend mes yeux cernés comme Bernie, j'ai sans raison d'être interné. Les capacités sont là, c'est ce que j'ai toujours entendu. Moi, je martyrise mon art sans avoir peur qu'on ne m'entende plus. J'ai sans raison de tirer sur une patte ma gueule. Pouvoir dormir et rêver d'autre chose que des pattes à l'œil. Quand je vois une lueur, je me dis que c'est la bonne, ouais. Rien à perdre vu que celle d'avant s'évaporait. Si tu me vois sur un track, c'est que ça promet. Je suis pas trop fier, mais ni du genre à faire des laits synchro, frère. Je suis fait ainsi, le caractère on l'explique pas. En un battement de cils, je peux passer du blanc au noir. Sans raison pour te décrire ma vue. Eh, un paysage où règne le délit d'abus. C'est box le beat, box le beat, box le beat. Bac à M, c'est box le beat, box le beat, box le beat. Y'a sans raison, frère. Sans raison, frère. On consomme sans envie et vit comme si on avait 100 ans de vie. À laisser passer le temps et puis à le combler par l'ennui. J'ai composé tard la nuit pour sortir les mots d'un puits. Sans fond, sans fin, sans fond. Mon ami, t'es mon appui dans le fond. Si le temps forge, il forge mon avis. Et mon avis, c'est qu'on juge pas le mec au style de ses habits. Au style de prod que l'on abîme, garçon. J'ai de l'intrigue dans le ton. J'imbrique le bon et le mauvais, pareil que je le puisse dans le son. Sans cesse là, me cherche une sorte de rédemption. J'ai dit rappeur, tu dis coupable, donc me parle pas de présomption. J'ai plus de sans raison de déverser mes versets. Mon horizon se fait bercer dans des débats controversés. Mais attention, je taille des rimes sensées, peut-être sensées. Mais qui saigne sans penser, ou provoque sans offenser. Poto, j'ai plus de 100 questions qui m'ont froissé. Et je suis toujours sans réponse quand il s'agit d'y mettre un terme ou de les classer. Mais qu'est-ce qui me pousse à veiller tard, réveiller l'art qui sommeille, somnolé devant ses pas jusqu'à se lever de soleil. Un nouveau jour pointe le bout de son nez. J'en veux même pas car au premier rayon je sais que de nouveaux doutes seront nés. Alors je m'occupe du mic avec très peu de tendresse. Pourquoi chaque coup de crayon me rappelle que chaque jour le temps presse. Je me destine à faire des lettres sans maladresse. Mais pour le destinataire je crois que j'ai pas la bonne adresse, frère. C'est box le beat, box le beat, box le beat, box le beat. Bac à M, KB, bac à M, KB. C'est box le beat, box le beat, box le beat. Y'a sans raison, frère. Sans raison, frère. Sans raison, frère. Sans raison, frère.